Viens, on va voir les vieux bâtiments, propose Julien à son ami. Tout à coup, Julien s'arrête. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Regarde ce rocher-là. Il a l'air d'une statue. D'une statue? Oui, d'un pharaon égyptien. Avec beaucoup d'imagination, d'accord. Mais quand même, il est un peu bizarre ton pharaon. Il a le visage méchant, cruel. Oh, laisse tomber. Viens, on rentre. Le groupe est de retour à temps pour le dîner. On monte encore des marches demain? Demande Daniel un peu hésitant. On en a vraiment marre de faire de l'escalade tous les jours. On verra, répond Alex. La météo annonce de la pluie pour demain. Mais avec un peu de chance, il ne fera pas trop mauvais temps. Après le dîner, la bande fatiguée se retire dans les tentes et vers 22 heures, tout est calme.